France Musique. Le monde se couleur. Bonsoir. Bonsoir. Colores del mundo. Mebala yalefati. Colors of the world. Yeah, cool. Okora, couleur du monde. Bonsoir. C'est avec Okora Couleur du Monde ce soir que France Musique referme cette année 2022 et célèbre 2023. Et pour ce bout de chemin qu'il nous reste à faire et celui qui s'ouvre à la fin de l'émission, nous partons sur les pas de Rumi, poète soufi et philosophe persan qui vécut au XIIIe siècle à Konya en Turquie. Poète de l'amour dont la vie et l'œuvre est un appel à brûler ce monde qui est monde, un appel à aimer infiniment la beauté de ce monde qui est pure merveille, puisqu'il n'est rien d'autre que manifestation divine, théophanie. Rumi, ce poète dont la vie a été marquée par la rencontre de cet autre philosophe et grand voyageur Ibn Arabi, et puis par la rencontre décisive avec Shams de Tabrizi. Tabriz est la ville de l'Azerbaïdjan oriental d'où il arrivait. Shams de Tabrizi et Rumi, personnalité dont chacune était le destin de l'autre. Sur les pas de Rumi, c'est le programme du concert unique donné par Kiyat Abassian, compositeur, interprète du luth setar, avec son ensemble Constantinople et aussi en soliste la chanteuse, actrice Galia Benali. Ils ont célébré Rumi, la poésie de Rumi et celle d'autres poètes contemporains. Choix de poésie spontanée pour cette soirée unique à Paris, ce 15 novembre dernier à la Salle Gaveau. Kiyat Abassian et l'ensemble Constantinople, c'était Synapse, un extrait du concert donné à Paris avec Galia Benali sur les traces de Rumi. L'idée de ce concert avec, qui s'appelle « Sur les traces de Rumi » Jaïd, lors d'une rencontre avec Ralia, en fait. Je l'ai rencontré dans un autre cadre, d'un autre projet, à Séville. Et moi, les poèmes de Rumi, je les lis depuis mon enfance. Et c'est un poète, comme pour beaucoup de personnes, qui a été très marquant dans ma vie. Et ça l'est toujours. Mais je voulais faire un concert autour de ces poèmes qui est différent de tous les autres concerts qui se font. Sachant qu'il avait principalement écrit ses poèmes en persan, mais qu'il avait une centaine de razals en arabe qu'il avait écrit lui-même, en fait. Ses scripts avaient écrit en arabe. Donc il les avait composés en arabe. Je me suis dit, ce serait intéressant de faire un programme autour de Rumi où nous présentons à la fois ses poèmes en persan, il a des dizaines de milliers de vers, mais aussi une partie de ses poésies en arabe, qui n'ont presque jamais été chantées. Et là, quand j'ai rencontré Ralia Ben Ali, je me suis dit, c'est la personne et la voix pour chanter Rumi. Et elle représente par elle-même cet artiste, parce que c'est pas juste une chanteuse. Ralia, c'est la musique elle-même, c'est l'art, c'est une artiste. Elle peint, elle écrit de la poésie, elle fait tout. C'est une artiste entière. Alors quand je l'ai rencontrée, je me suis dit c'est l'incarnation pour moi de cette présence de l'instant présent. Qui se traduit dans tous les poèmes de Rumi en une personne qui est Ralia Ben Ali. Et petit à petit, nous avons construit ce programme qui s'appelle Sur les traces de Rumi, où nous présentons pas que les poèmes de Rumi, mais le titre le dit, c'est Sur les traces de Rumi, donc on se permet d'inclure d'autres poèmes, d'autres poètes qui ont un peu cette vision du monde, cette vision lumineuse du monde et de l'instant présent. Thank you. يا كلمينا يا حاكمينا يا مالكينا لا تظلمونا لا تظلمونا يا ذا الفضائل زهر الشمائل سيف الدلائل لا تظلمونا نعم ساقي حلو التلاقي مر الفراق لا تظلمونا لا تظلمونا Oh, un tel qui la tonlimouna. عشقي حصاني نحو المعاني هذا كفاني لا لا لا لا تظلمونا العشق حال ملك ومال العشق حال تظلمونا جناري جناري جناري جناري جناري نداري بياري Bonsoir. C'est un concert très important pour nous. D'abord, une retrouvaille entre nous tous. L'ensemble Constantinople, c'est un ensemble basé à Montréal. Mais dans ce projet, il y a des musiciens qui viennent de différents pays. Neva, elle arrive de Tava Esguen, arrive d'Istanbul. Didem Bachar, elle est basée à Montréal avec nous. Charbel Ohana de Beyrouth. Bon, Ralia, la globetrotteuse de partout, mais basée à Bruxelles, Kianouche est à Toronto, et Ramin Honali à Montréal aussi, et Patrick Graham aussi à Montréal. Donc voilà, nous reconnectons ici ce soir pour vous présenter ces poésies, ces musiques sur les traces de Rumi. Je vais tout de suite... vous dire à quel point nous sommes aussi touchés par tout ce qui se passe en Iran, moi-même étant d'origine iranienne, avec plusieurs de mes collègues. Donc avant d'aller plus loin, j'aimerais dédier ce concert à tout ce peuple iranien qui se manifeste et qui demande... Merci. C'est ces gens-là qu'il faut applaudir du fond du cœur et... qui prennent vraiment, qui mettent leurs mains, leur vie dans leurs mains et qui vont dans les rues pour demander leur liberté et leurs droits fondamentaux. Donc vive toutes ces belles personnes qui vont dans les rues, qui sont fait arrêter, mais qui continuent à y croire. Nous y croyons aussi et nous partageons cette passion avec eux. Concert Salle Gaveau le 15 novembre dernier à Paris. L'ensemble Constantinople, en soliste Ralia Ben Ali et la direction artistique de Kia Tabassian. Thank you. io vio del dolore, darò darò dal cuore, tui tui col sole, begu begu astrone, astrone. درویشه من مرو مرو از پیشه من از پیشه من توی توی هم خیشه من هم خیشه من توی توی هم خیشه من هم خیشه من محرم شد روز و شبم مونس بایی مونس بایی راه مرا خوش آهوی خوش آهوی صبر مرا برهم زد عقل مرا رهزن شد دل را کجا پنهان کنم در بلبری تو بی حدی فخر من سلطان من فرمانده با خان من چون توی من میلی کنی روشن شود چشمان من ای فخر من سلطان من فرمانده و خاقان من چون توی من میلی کنی خمرنا واستسمعونا قرنا حوركم تصفر عشقا تنحني من ناره لو رأت في جنح ليل أو نهار حورنا قدر الشمس الضحى في قيان خاتمات واستقروا دورنا ألف بدر ألف بدر حول بدري سجدا خروا له طيبوا ما حولنا واستشرقوا دجورنا قد سكرنا من حواشي بدرهم أكرم بهم استجابوا بغينا استجابوا بغينا واستكثروا ميسورنا اي اي اي دلداره درا درا در کار من در کار دویی دویی گلزار من گلزار من بگو بگو اسرار من اسرار من بیا بیا در پیش من در پیش من مرو مرو از پیش من از پیش من دویی دویی هم پیش من هم پیش من دویی دویی هم پیش من هم پیش من Delda Rehman, Yaha El Faradiz, une poésie de Rumi, mise en musique par Kiyat Abassian et Halia Ben Ali. Dans ce projet Rumi, on a, c'est vrai, les textes de Rumi, mais on a surtout, comme ça s'appelle, sur les pas de Rumi. C'est sur ce que Rumi nous a inspiré, ce qui est resté en nous. Et surtout, Rumi, il avait un compagnon que j'aimais beaucoup, qui était Tabrizi. En fait, c'était un peu le fou divin, c'était un peu le celui qui devait toujours... Rumi avait des certitudes, lui venait toujours le faire douter et le remettre en question des choses pour arriver à une certaine vérité. Et on a ajouté des poètes contemporains qui répondent à Rumi, un peu comme si c'était tous des Tabrizi. Alors la question aujourd'hui que j'avais posée à ces poètes-là, et je disais... Bonjour mon cher, si tu es l'un des poètes dont l'âme marche sur les pas de Rumi et ton âme en est une, que serait ton message, toi, au public de ce soir, dans la salle de ce soir? Alors, il y en a un, c'est Mahdi Mansour qui a dit « Dans le discours des âmes, Galia, ceci est mon message en tout lieu et en tout temps. L'amour est voué à un seul être. » Si tu inclus une autre personne, tu tues l'amour. L'amour avec petit a. Mais l'amour avec grand a inclut tout le monde. Si tu en exclus une seule personne, tu tues cet amour avec grand a. Voilà, tous des êtres qui vont faire écho à ce que dit Maulana Rumi. Dans le spectacle, il y a deux poèmes. Un qui appartient à un ami égyptien. Et donc lui, il a écrit la toute première pièce avec laquelle je commence, qui dit « Est-ce que tu te rappelles la toute première prière ?» En fait, chacun de nous a eu une toute première prière. Celle qu'on fait, quand on prie, quand on est tout seul et on a un petit truc, on se parle. Pour moi, c'est pas un concert ce qui se passe ce soir. Être là, c'est qu'on va rendre présent beaucoup de choses, de l'énergie, toutes ces pensées, toute cette spiritualité. Toutes ces choses-là vont être très présentes. Et tout va dépendre aussi, l'ambiance de ce soir va dépendre de qui est dans la salle. Je vais le sentir, moi, chaque personne qui sera là, je vais sentir l'énergie qu'il va dégager. Et pas seulement ça, je suis sûre que ce soir, il y a beaucoup de gens qui vont se dire « Tiens, je ne suis pas venue écouter une chanteuse qui chante sur scène et des musiciens qui jouent sur scène. J'ai senti que je faisais partie de tout ça. Et surtout, j'avais l'impression de m'écouter moi-même. » Awatak Tourou, te souviens-tu, une poésie de Salomané Hamed, poète égyptien, par l'ensemble Constantinople, dirigé par Kiyat Abassian, avec la voix de Halia Ben Ali. Thank you. أول صلاة للسماء حينما صعد الدعاء أو تذكروا والتقى فيك القدر على أمر قد قدر أو تذكروا ونهلت حبات المطر وكشفت في القاع الدرر فأخذتهم أو تذكروا ونثرتهم نحو السماء ونثرتهم نحو السماء نارت عيون النهر والنخل استضاء وألفت بين كل العقائد والنحل أو تذكروا في العلن بقلبي مؤمن يؤتمن ووقفت تهتف في العلن بقلبي مؤمن يؤتمن أنا ابن ماؤك يا سماء هل تقبلي قلبي فداء شيدت معبدا للوطن بلا مكان أو زمن بلا عطايا أو منح بلا نذور ولا جهاد أنكرتهم قبل الصياح أنكرتهم بعد الصياح وتلوت فيهم آية التوحيد وتلوت فيهم آية التوحيد حتى صدح المؤذن بالآداء أشرقت شمس الصباح وخارت جبال الإدعاء فبايعوك وتابعوك ثم تلوا ذاك النشيد الدين واحد إذا ما البدر اكتمل الدين واحد إذا ما النهر احتمل الدين واحد إذا ما البدر اكتمل الدين واحد إذا ما النهر احتمل الدين واحد إذا ما البدر اكتمل الدين واحد إذا ما النهر احتمل الدين واحد إذا ما البدر اكتمل الدين واحد إذا ما النهر احتمل الدين واحد وجد جنجال وجمع بين ضفتيه والتأم وجمع بين ضفتيه والتأم وجمع بين ضفتيه والتأم الدين واحد إذا ما تم البناء الدين واحد فكل ما Okora Couleur du Monde sur France Musique avec ce soir l'ensemble Constantinople dirigé par Kia Tabassian avec en soliste la chanteuse Ralia Ben Ali pour un concert unique à la Salle Gaveau à Paris. Ralia Ben Ali. De ces poètes qui marchent sur les pas de Rumi, il n'y a pas que les poètes d'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui marchent sur les pas, il ne faut pas être poète pour marcher sur les pas de Rumi. Un jeune réfugié syrien à Istanbul qui s'appelle Sayed Zin, qui m'a envoyé ce texte, Maulay, mon maître. C'est un texte que j'ai pu composer et sortir lorsque il y a eu, je pense, une injustice au nom de ce gamin de 13 ans en Palestine qui s'appelle Ahmed Menasra. Et ceux qui comprennent l'arabe vont y voir un sens. Ceux qui ne comprennent pas, il y a juste une parole qui est très très belle. Vous savez, quand on rentre quelque part, à l'église ou n'importe où, et qu'on a un chapeau, un haut chef, ça s'appelle, on enlève son chapeau pour montrer son respect ou pour dire bonjour, pour saluer. Il dit, ce jeune, il dit, enlevez vos chapeaux, il y a Dieu qui vous regarde. Je lui dis aujourd'hui, je lui dis, tiens, si tu devais envoyer un message, parce qu'il aurait tellement aimé être ici, avec nous ce soir. Et il ne peut pas. Il me dit, j'ai un passeport qui ne supporte pas des visas ou des tampons. Il m'a dit, juste raconte que moi, je veux juste chanter, écrire, je veux trouver la paix dans mes mots, je veux trouver la paix en moi. Ça part de beaucoup de colère, mais c'est en même temps, c'est pour trouver un chemin vers la lumière. Et voilà, donc Maulay, Maulay Aman Saqa Husnal, on y va, vas-y. سقى حسن الموارث ما غنى إلا على الوارث ما سمع يقاره سد المساكب قد بلغ الثرى من نسله قلائد مولاي قد حرمت شياب المرقد مهللة على بئر ذهبا يسكب مساوئ الحب شلت أطراف والقلب cœur fait trop. تشابه التياجير عن نورك مبعد مولاي أنت ونحن أنت مولاي أنت ونحن أنت والشغف أنت والشغف أنت المجتبى أنت المجتبى أنت المجتبى مولاي عزة مولاي عزة مولاي عزة إن الله يراكم اخلعوا العصابة إن الله يراكم غمام العهذار غمام العهذار ناصية عرجاء تهوي بالرثاء تهوي ناصية عرجاء تهوي بالرثاء تهوي تمد الساق بطقوس تحت قبب تستجاب اخلعوا قبعتكم فإن الله يراكم اخلعوا قبعتكم فإن الله يراكم اخلعوا قبعتكم فإن الله يراكم اخلعوا نعالكم حناجركم من شباه سوداء من شباه سوداء تحشوكم تقتلكم تحشوكم تقتلكم تحشوكم تقتلكم تحشوكم تقتلكم مولاي عزة مولاي عزة مولاي عزة Moulay, un texte du jeune auteur syrien Zayed Zine, par Alia Ben Ali avec l'ensemble Constantinople, dirigé par Kia Tabassian. Et ce concert se refermait avec deux poésies, l'une de Rumi et l'autre de Ibn Arabi, Raqs et Sahar, la danse de l'aube, et Talama, le temps d'un instant. Alia Ben Ali, Kia Tabassian, l'ensemble Constantinople. طالما بدنا بلاكم يا كرام وجدنا يا حبيب الروح أين الملتقى أوحشتنا نبغى غيركم قد طالما جربتنا ما لنا مولى سواكم طالما فتشتنا طالما بتنا بلاكم يا كرام وجدتنا يا حبيب الروح أين الملتقى أوحشتنا شردني يا خيال الوصل روحي عندما شمشتنا طالما بدنا بلاكم يا كرام وشدنا يا حبيب الروح أين الملتقى أوحشتنا يا فراق الشيخ شمس الدين من تبريزنا كم نرى في وجهنا آثار ما حارشتنا طالما بدنا بلاكم يا كرام وشدنا يا حبيب الروح أين الملتقى أوحشتنا شرقيا فحنا إلى الشرق ولو لاح غربيا لحنا إلى الغرب فإن غرامي بالبريق ولمعي وليس غرامي بالأماكن والترب vu l'éclair à l'est, alors il s'est tourné vers l'est. Et s'il avait surgi à l'ouest, il se serait tourné vers l'ouest. Ma passion est pour l'éclat, sa lumière, pas pour les lieux de leur tertre. Poésie de Rumi et de Hymne Arabi pour refermer ce concert donné par l'ensemble Constantinople et son directeur artistique Kiyat Abassian avec en soliste Halia Ben Ali. Pour ce concert donné à Paris le 15 novembre dernier à la salle Gaveau. Prise de son Loïc Guros et Julien Calvas. L'équipe d'Okora Couleur du Monde, Pierre Villers, Colline Redon, Françoise de Georges. Cet instant présent, précis, il est minuit, l'heure de vous souhaiter, Pierre Villers et moi-même, une merveilleuse nouvelle année et reprendre ces mots de la poésie de Rumi, attrape le silence, sans parole, allez, saute. Bonne année avec France Musique et à la semaine prochaine. À réécouter sur francemusique.fr.